Li solo ya bagi ya Mercedes. President Bacheli. Soki omoni esui yo, lukane poisson omena. Loko lotonda bomengo, somba peni wate. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe chapitre 22, premier verset.